Je suis un pauvre type perdu dans ce monde qui se met à boire dès que la nuit tombe. Sous le regard de la foule médisante, je m'enfile 25 verres, parfois 30. Je me jette sur toutes les jolies filles, même sur les LED au bout de 5 verres. Quand au travers de mes lentilles, je commence à plus voir clair. Quand je suis sourd, je tombe par terre. Forcément, elle n'aime pas ça. Elle me rejette, elle me monte du doigt. Je leur fais, bah quoi, je suis peut-être pas assez bien pour toi. Je les insulte, je les culbute. Généralement, ça fait scandale. La tension monte et je vocifère. Je me prends alors deux, trois mandales. Sur moi l'opprobre, je suis pas fière. J'ai mal. J'ai pas trop le moral, la la la la la. On me traite de haut, moi, je suis déjà assez bas comme ça. Vous trouvez pas, parfois je me lève dans le caniveau. Une barre dans le crâne jusque dans le dos. Je rassemble les petits bouts de mon cerveau. Le pauvre vieux, il est en morceaux. J'ai des petits problèmes de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Avec qui donc je me suis battu? Et combien de litres j'ai bu? Je sais plus. J'ai mal. J'suis mal. J'ai pas trop le moral. La la la la la. On me traite de haut, moi. J'suis déjà assez bas comme ça. Vous trouvez pas? De la sirop, du foie, pas trop. Encore un verre, c'est le dernier. Promets-moi quand je m'en irai. Tu mettras une tournée à ma santé.